Unité 1, leçon 1. Document 1, page 6. Bonsoir, ici Radio Sud. Je vous présente nos invités de ce soir. Andrea, vous êtes italien, vous avez 34 ans, vous êtes médecin et vous habitez où ? À Montpellier. Jane, vous habitez à Paris mais vous êtes anglaise, vous êtes coiffeuse. Vous avez quel âge ? 32 ans. Frédéric, vous êtes électricien à Marseille, vous avez 50 ans, et quelle est votre nationalité ? Je suis belge. Dimitri, vous êtes russe, mais vous travaillez à Lille, vous êtes professeur, vous avez 38 ans. C'est ça. Enfin, Yuka, excusez-moi, comment vous vous appelez ? Yuki. Alors Yuki, vous êtes japonaise, vous avez 22 ans, et vous êtes étudiante à Lyon. Vivre en France ?